Allons ce soir dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Tunamisalimia mangaribi ya leo mujina ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Nous aussi les salutations des frères et sœurs de Kalemi, beaucoup m'ont appelé, m'ont demandé de vous saluer. Mupoke pia masalamu ya bantu kuna badada ba Kalemi baliniita na baniomba nipate umisalimia. Amen. Nanduku Serafin wa Ukakanda m'a demandé de vous saluer au nom de Jésus Christ. Aliniomba nimisalimie mujina Bwana Yesu Kristo. Et le frère Numbi Albert de Mulungwishi. Nanduku Numbi Albert wa Kumulungwishi. C'est que le frère Charles Kayembe du Bénin. Pamoja na nduku Charles Kayembe wa Kubene. M'ont demandé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Waliniomba nimisalimie mujina ya Bwana Yesu Kristo. Nous allons nous lever. Tutasimama bwima. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Exode chapitre 14. Tafungula Biblia yetu mukutoka sura 14. Exode chapitre 14 verset 10. Kutoka sura ya 14 mstari ya 10. Pharaon approchait. Pharaon y alikuwa anakaribia. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Watoto wa Israeli wanamsha macho yabo na waliona wa Misri walikuwa nakuja kumkongo yabo. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Watoto wa Israeli walisikia oga mkubwa na walimlalamikia wa milele. Ils dirent à Moïse. Wakamwambia Musa. N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte? Eti mu Misri amukwe makaburi? Sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert. Il upate kutuleta tufie mujangwa. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Ulitufanya nini vile ulitutosha Misri? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Aina njo ile tulikuwa nakwambia mu Misri? Laisse-nous servir les Égyptiens. Utuache tu tutumikie paka ba Misri. Car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Kwani tunapenda kutumikia ba Misri kuliko kwa kufuia mujangwa. Moïse répondit au peuple. Musa akajibia awa watu. Ne craignez rien. Musiogope kitu. Restez en place. Mubakie pa mafazi yenu. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Namuone ukombozi ile wa milele atamifania hii siku. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Kwani awa wa Misri muku naona leo. Vous ne le verrez plus jamais. Amuta waonaka tena kamwe. L'Éternel combattra pour vous. Wa milele atamikombania. Et vous. Namweye. Garde le silence. Mukae tu katika kimia. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Thank you. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tunakusifu Bwana Mungu wa uwezo wote. Car tu es incomparable. Wani hakuna namna ya kulinganisha. Tu es le Dieu vivant. Huku Mungu aliye hai. Le Dieu Puissant. Mungu wa uwezo. Le Dieu qui s'est révélé à nous comme Emmanuel. Mungu alijifunua kwetu sawa Emmanuel. Dieu avec nous. Mungu pamoja nasi. Merci oh Dieu. Asante oh Mungu. Descends au milieu de nous ce soir. Ushuke katikati yetu mwangaribi ya leo. Agis comme étant le même hier, aujourd'hui éternellement. Utende sawa jana leo na milele. Que chacun de nous te voie. Wakati acha mmoja mmoja kuone. Et puis ici avec un témoignage. Na toke hapa na ushuda. Au nom de Jésus Christ. Mujina Yesu Kristo. Amen. Amina. Veuillez vous asseoir. Munawezi uketi. Nous sommes en train de parler toujours de notre sujet convaincu puis concerné. Tukunaendelea na shina yetu ya mahubiri yenye kuitwa mwenye kuhakikishiwa na mwenye kuchukua maneno sawa yake. Mwenye kuhakikishiwa na mwenye kuchukua maneno sawa yake. Musa alikuwa mwenye kuhakikishiwa. Que Dieu l'avait appelé. Ya kwamba Mungu alimuita. Que Dieu l'avait envoyé. Ya kwamba Mungu alimtuma. Que Dieu marchait avec eux. Ya kwamba Mungu alikuwa anatembea pamoja nao. Et que Dieu combattra pour eux. Na Mungu alikuwa anawakombania vita. Tout le monde pouvait s'agiter. Duku watu wote waliangaika. Datan na Abiram pouvaient s'agiter. Datan na Abiram waliangaika. Mais Moïse n'était pas agité. Lakini Musa sikuangaika. Et aujourd'hui chaque que vrai croyant n'est pas agité. Leo kila mwamini fote wa kweli ana mwenye kuhangaika. Mais quel est le problème? Aizuru bunene wa mambo. Nous avons un Dieu plus grand que notre problème. Tukuna Mungu mkubwa kushindia maneno yetu. Voyez ce qui est arrivé. Muone ile ilifika. Ils ont commencé à se lamenter. Walianza kunungunika. Mais Moïse a dit. Lakini Musa alisema. Moïse répondit au peuple. Musa akajibia watu. Ne craignez rien. Msiogope kitu. Celui qui est convaincu ule mwenye kuwa na hakikisho et concerné na mwenye kubeba mambo sa yake asiwezi kuogopa. Ne craignez rien. Msiogope kitu. Restez en place. Mubakie pafazi yenu. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Mutazame ukombozi ile wa milele atanipatia. En ce jour. Mwisiku. Car. Kwani les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui wa Misri wale mungu naona leo vous ne les verrez plus jamais. Amuta waona tena kamwe. C'est comme ça que Dieu s'élève. Jomu ina muna Mungu yako na lamka. Quand Dieu s'élève pour agir. Wakati Mungu akiamka juu ya kutenda. Si c'est une question du péché. Kama ni mambo ya zambi. Le péché qu'on peut contester en toi. Zambi inawezi kubishana na wewe. Le péché que toi-même tu peux voir. Zambi ile wewe unaweza kuona. Constater et dire ça c'est un péché. Na kuona na kusema hii ni zambi. Quand Dieu s'élève pour agir. Wakati Mungu akiamka juu ya kutenda. Il ôte le péché. Eko naondosha zambi. Et tu ne le verras plus. Na utaiona tena kamwe. Tu verras son pardon. Utaona usamaha yake. Quand Dieu vient pour délivrer. Wakati Mungu anakuja kwa kukomboa. Tu verras plus la situation. Hautaona tena mambo yako. Mais l'action de Dieu. Lakini utaona tendo ya Mungu. L'Éternel combattra pour vous. Wa milele atamikombania. Et vous gardez le silence. Moi mkae tu kimya. L'Éternel dit à Moïse. Wa milele akamwambia Musa. Pourquoi ces cris? Dieu a nini malalamiko? Parle aux enfants d'Israël. Waambie watoto wa Israeli. Et qu'ils marchent. Wapate kusonga mbele. Alléluia. Amen. Pourquoi ces cris? Dieu a nini malalamiko? Parle aux enfants d'Israël. Waambie watoto wa Israeli. Ils ne regardent pas au problème. Wasiangalie ku mambo zao. Ils ne regardent pas aux Égyptiens. Wasiangalie wa Misri. Ils marchent comme si rien n'était. Wasonge mbele bila shaka. Comme si rien n'était. Bila shaka. Qu'ils avancent. Wasonge mbele. Qu'ils marchent. Baendele. Toi. Weye. Lève ta verge. Amusha bakora zako. Étends ta main sur la mer. Unyoshe mkono yako pa bahari. Et sois na uipasue. Frère, c'est l'ordre. Nduku ni agizo. C'est un ordre. Ni agizo. Dieu était descendu pour donner un ordre. Mungu alishuka juu kuleta agizo. C'était pas pour consoler. Aikuwa juu ya kufariji. C'était pour délivrer. Lakini ilikuwa juu ya ukomboa. Voilà. Oui, pasue. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Na watoto wa Israeli waliingia mubari pahali pakavu. Qui peut faire ça? Nani anawezi kufanya hiyo? C'est Dieu seulement. Ni Mungu peke yake tu. C'est Dieu seulement. Ni Mungu peke yake tu. Et il dit, Moi je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon na Pharaoni, et toute son armée s'écarent. Magari yao. Ces cavaliers. Na wapika farasi wao. Feront éclater ma gloire. Wataonekanisha utukufu yangu. Diego ilivyokusuivre. Mungu anasema watamfuata. Nao wataingia pia. Sasa mimi Mungu. Je vais les exterminer. Tawamaliza. Je vais les engloutir. Tawatumbukiza. Et on ne parlera plus des Égyptiens. Hawatawatayaka tena wa Misri. Watanitaya mimi tu peke yangu. Est-ce que vous êtes là? Eti munafuata. La multitude de leurs chars. Kundi ya magari yao. La multitude de leurs cavaliers. Kundi ya wapanda farasi wao. La multitude des Égyptiens. Kundi ya wa Misri. Et la grandeur et la renommée de Pharaon. Na utukufu na sifa Pharaon. Feront éclater ma gloire. Itafanya kafumu yangu itoke. Jumi Mungu. Je vais me lever contre eux. Tawapiganisha. Je vais les engloutir. Na watumbukiza. Et quand les gens apprendront que je les ai engloutis. Watu watapata habari ya kwamba na wali watumbukiza. Sasa watanitukuza mimi Mungu. Est-ce que vous êtes là? Eti munafuata? Jusque là vous comprenez? Ufika na pale munaelewa? Ça il s'agissait de Pharaon. Hii ni mambo ya Pharaon. Nena écoutez. Sasa msikilize. On a publié ta honte. Walitangaza haya yako. On a publié tes échecs. Walitangaza makushindwa yako. Tout le monde connaît ta situation. Watu wote wanajua mambo yako, magonjwa yako. Mais je t'informe. Lakini nakujulisha. Ça va laisser éclater la gloire de Dieu. Itaacha utukufu ya Mungu ivume. Notre Dieu s'élève. Mungu wetu anamuka. Quand il s'élève. Wakati akiamuka. C'est pour sa gloire. Nijua utukufu yake. C'est pour sa gloire. Nijua utukufu yake. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Na wa Misri watajua kwamba niko wa milele. Ils sauront que je suis l'Éternel. Watajua kwamba niko wa milele. Pharaon. Wakati Pharaon. Sechar. Na magari yake. Et ses cavaliers. Na wapanda farasi yake. Auront fait éclater ma gloire. Watafanya kafumu ya Mungu ipate kujulikana. L'ange de Dieu. Malaika wa Mungu. Qui allait devant les cas d'Israël. Ula alikuwa naenda mbele ya watoto wa Israeli. Alienda. Et ala. L'ange parti. Ule malaika alienda. Et ala derrière. Na kaenda nyuma ya watoto wa Israeli. Pour leur défense. Juu ya kuwakumbania, kuwakinga. Akaenda nyuma ya watoto wa Israeli. Et la colonne de nuée. Na nguzo ya wingu. Qui le précédait. Ile ilikuwa na watangulia. Parti. Ikaenda. Et c'était derrière. Na ikasimama nyuma ya watoto wa Israeli. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens. Ikasimama katikati ya kampi ya wa Misri. Et le camp d'Israël. Na kampi ya Israeli. Cette nuée. Ile wingu. Était ténébreuse d'un côté. Ilikuwa ya magiza ngambo moja. Et de l'autre, elle éclairait la nuit. Na ngambo ingine ilikuwa nangazia usiku. Elle deka. N'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Naï ma campimbiri aiku caribiane mumonche kwa ingine usiku yote mzima. Est-ce que vous comprenez? Eti munaelewa? Est-ce que vous comprenez? Eti munaelewa? Dieu s'est levé. Mungu aliamka. La colonne de nuée s'est mise là. Guzo la wingu ilikuwa pale. Entre Israël et les Égyptiens. Katikati ya wa Misri na watoto wa Israeli. Pour sécuriser Israël. Ya kukinga Israeli. Et na exterminer les Égyptiens. Na kumaliza watu wa Misri. Du côté d'Israël c'était la lumière. Ngambo ya wa Israeli ilikuwa nuru. Pour qu'ils continuent le voyage. Wapate kusonga mbele msafari. Qu'ils voient le chemin. Wapate kuona njia. Du côté de l'Égypte. Ngambo ya Misri. Les Égyptiens. Ba Misri. C'était l'obscurité. Ilikuwa ni magiza. Les ténèbres. Magiza mkubwa. Pour qu'ils ne voient pas. Wasione tena. Qu'ils ne voient pas le chemin. Wasione njia. Qu'ils n'avancent pas. Wasisonge mbele. Et que la colère de Dieu tombe sur eux. Kasirani ya Mungu ipate kubangukia. C'est notre Dieu. Jo Mungu wetu ule. Mais remarquez une chose. Tazameni kitu kimoja. Tous deux. Wote wawili. les Égyptiens, wa Misri, Israël, Israeli, dans la mer, Mubari, Israël dans la mer sur ordre de Dieu, Israël Mubari, kufatana na giza ya Mungu, eko na tambuka, les Égyptiens dans la mer par orgueil, ba Misri Mubari kwa kiburi yabo, kwa chuki, par poursuite pour poursuivre Israël, ajili ya kufata Israeli, mais alakini, c'était pour leur ruine. Il quoi ni Dieu a ribifu yabo. Écoutez. Musikilize. Moïse étendit la main sur la mer. Musa akanyosha mkono yake pa bahari. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'orient. Na wa milele akarudisha bahari kupitia pepo ya asubuhi. Qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Ile mpepo ilivuma na nguvu yote usiku mzima. Il mit la mer à sec. Akakausha bahari. Et les eaux se fendirent. Na maji kapasuka. Qui pouvait faire ça? Nani ule anaweza kufanya hiyo? Ce n'est que Dieu seul. Ni paka Mungu peke yake tu. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Watoto wa Israeli waliingia katikati ya bahari pahali pakavu. Et les eaux formaient comme une miraille à leur droite et à leur gauche. Na maji ikapasuka ikakuwa sawa ukuta kukuume na kukushoto. Comme des mirailles. Sawa maukuta. Les Égyptiens les poursuivirent. Wa Misri wakawafata. Et tous les chevaux de Pharaon. Na magari yote ya Pharaoni. Mapunda yote ya Pharaon. Tous les chevaux de Pharaon. Mapunda yote ya Pharaon. Ces chars. Ile magari yao. Et ces cavaliers. Na wapanda farasi. Entrèrent après eux au milieu de la mer. Wakawafata kisha wao katikati ya bahari. Du matin, asubuhi mapema, l'Éternel, wa milele, de la colonne de feu, toka nguzo la moto, et de nuée, na nguzo la wingu, regarda le camp des Égyptiens, akangalia kampi ya wa Misri, et mis en désordre le camp des Égyptiens, na kafurusha kampi ya wa Misri, Dieu s'est levé, Mungu aliamka, alléluia, amina, il a regardé les Égyptiens, aliangalia wa Misri, il a mis l'erga en désordre, akaweka katika mufuruko kampi yabo. Il ôta les roues de leur car. Akaondosha ma mipeto ya magari zao. Et a rendu la marche difficile. Na akafanya safari yabo ikakuwa ngumu. Les Égyptiens dirent alors. Wa Misri wakasema basi. Fuyons devant Israël. Tukimbie mbele ya Israeli. Car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Kwani wa milele anawakombania kukombanisha wa Misri. L'Éternel dit à Moïse. Wa milele akamwambia Musa. Etant ta main sur la mer. Unyoshe mkono yako yulu ya bahari. Et les eaux reviendront sur les Égyptiens. Na maji itarudia yulu ya wa Misri. Sur leur car et sur leur cavalier. Yulu ya magari yao na yulu ya wapanda farasi yao. Vous voyez. Munaona. Moïse sur ordre du Seigneur a dit à Israël. Musa kufatana na agizo ya milele akamwambia Israeli. Gardez le silence. Mukae tu kimya. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Au Misri munaona leo. Vous ne les verrez plus. Amuta waona tena kamwe. Et Dieu est descendu lui dit. Na Mungu alishuka na kumwambia. Comme mon peuple a traversé. Kama ile taifa yangu inishavuka. Que les eaux retournent sur les Égyptiens. Sasa maji ipate kurudia yuli ya wa Misri. Vous ne les voyez plus jamais. Wasiwaonake tena. ma sœur, dada yangu, mon frère, nduku yangu, confiez-vous en Dieu. Umutumainie Mungu. Dieu confirme toujours sa parole. Mungu wako nendelea kwa kikisha neno lake. Ce sont les promesses de Dieu qui font notre force. Ni malako ya Mungu njo nafanya nguvu yetu. Quand nous promesse, wakati tunangalia malako, nous avons l'assurance, tuko na kikisho, nous avons la certitude, tuko na kikisho mkubwa. Sisi tusiogope. Même si à gauche, hata kama kushoto, nous regardons ce sont les montagnes. Tunaona ni milima. Milima, derrière, Mkongo, les Égyptiens, wa Misri, devant mbele, la mer, bali mwekundu, nous ne regardons pas ce qui est visible. Atuangalie kwa yenye onekana na macho. Nous regardons à l'invisible. Tunangalie na yule asionekana na macho. Nous regardons à Dieu puissant. Tunamwangalia Mungu wa uwezo. Mungu mwenye kwa na uwezo. Wakupasula njia pahali pasipokuwa njia. Et vous savez, na munajua, le Dieu d'Israël. Mungu wa Israeli, c'est notre Dieu. Jo Mungu wetu sisi. Tout ce qu'il était pour Israël. Ile yote alikuwa mbele ya Israeli. C'est ce qu'il est pour nous. Na njo kile eko juu yetu sisi. Moïse étendit la main sur la mer. Musa akanyolosha mkono yake yule ya bahari. Et vers le matin. Na mbele asubuhi, la mer reprit son impétuosité. Ah, bahari ikarudisha nguvu yake. Et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Na wa Misri wakanza ukimbia wakati waliona bahari. Mais, alakini, l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Wa milena katumbukiza wa Misri katikati ya bahari. Les eaux revinrent et couvrirent les cavaliers et toute l'armée de Pharaon. Maji ikarudi na kufunika magari, wapanda farasi na jeshi yote ya Farao. Qui était entré dans la mer après les enfants d'Israël? Wale waliingia kama maji mubali kisha watoto wa Israeli. Il n'en échappa pas un seul. Akukuepuka hata mumisri moja. Pas un seul. Hakuna hata moja ule aliyepuka. Pas un seul. Hakuna hata moja aliyepuka. Du côté des Égyptiens. Ngambo ya Misri. Il n'y a même pas un témoin qui a échappé. Akukua hata mshuda moja ule alipona. Angluti. Bote walitumbukizwa. Pouvait publier la grandeur de Dieu. Peke yake Israeli. Walitangaza utukufu wa Mungu. Waliona. Amen. Dans leur désespoir. Mkukosa tumaini yabo. Ils ont crié à Dieu. Bali mulalamikia Mungu. Dieu est descendu. Mungu alishuka. Dans votre désespoir. Mkukosa tumaini yenu. Crié à Dieu. Umulalamikia Mungu. Appelez-le à la scène. Umuite mukibeta. Dites-le Seigneur. Mwambie Bwana. Donne-nous les jours comme les jours d'autrefois. Utufache siku sawa masiku ya zamani. Lève-toi comme autrefois. Uamuke sawa zamani. Écrase l'ennemi. Uponde mambo. Écrase les péchés. Uponde zambi. Donne-moi la délivrance. Unipatie ukombozi. La sainteté. Utakatifu. La paix. Salama. Le Saint-Esprit. Rumta la guérison. Utunzo. La gloire. Utukufu. La louange. Alléluia. Amen. Oui. Ndio. Réclamez même la gloire. Uombe hata sifa. Utukufu. Ce qu'il a connu d'avance. Bale alitangulia kujua zamani. Il les a predestiné. Alitangulia kubaweka. Ce qu'il a predestiné. Bale alitangulia kuweka. Il les a appelé. Alibaita. Ce qu'il a appelé. Bale aliita. Il les a aussi glorifié. Alibatukuza pia. Alléluia. Amina. Pas un seul. Hakuna hata moja li. Mais les enfants d'Israël. Alakini batoto ya Israeli. Marchaient à sec. Balitembea paka au milieu de la mer. Katikati ya bahari. Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Na maji ilifanya ukuta kuume na kushoto. En ce jour. Mwile siku. L'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Wa milele alikomboa Israël toka mkono ya Misri. Israël vit sur les rivages de la mer. Na Israël aliona pembeni ya bahari. Les Égyptiens qui étaient Ba Misri bale barikuwa nisha kufa. Israel vit la main puissante que l'Éternel avait dirigé contre les Égyptiens. Israel aliona mkono wa uwezo wa milele na alifanya wa Misri. Na taifa craignit l'Éternel. Ikamogopa wa milele. Et il crie à l'Éternel. Na walimwamini wa milele. A Moïse son serviteur. Na walimwamini Musa mtumishi wake. Est-ce que vous êtes là? Eti mnafuata? Est-ce que vous êtes là? Et tu m'enfata? Croyez en Dieu. Mumwamini Mungu. Et faites confiance à ses serviteurs. Na mutumainie watumishi wake. Faites confiance aux serviteurs de Dieu. Mutumainie watumishi wa Mungu. Est-ce que vous êtes là? Et dans 2 Corinthiens 6, verset 1, il est écrit. Wa Korinto wa pili sita mstari wa kwanza wa sema. Nous avec Dieu. Tu kunatumika pamoja na Mungu. Nous ne sommes pas seuls. Hatuna peke yetu. Amen. Faites confiance aux serviteurs de Dieu. Mutumainie watumishi wa Mungu. Frère, Ntuku. Est-ce que ces paroles là? Eti misemo. Ne sont-ils pas des preuves? Eti haina hakikisho que Dieu ne choue pas, ya kwamba Mungu ashindwe wake kamwe. Mungu ana na mipaka. Que Dieu n'est pas incapable. Mungu ana wasiku uwezo. Mais il est capable de tout. Alakini yuko na uwezo yote. Il contrôle chaque situation. Anaongoza kila kitu. Sont des preuves. Hii ni hakikisho. Sont des preuves. Ni hakikisho. Écoutez notre témoignage. Musikilize ushuda ingine. D'un homme convaincu et puis concerné. Ya mtu lare akikishiwa na kuchukua maneno yake. Soyez convaincu. Muwe na hakikisho. Moïse était convaincu. Musa alikuwa na hakikisho. Israël était convaincu. Israël alikuwa na hakikisho. Nous qui vous prêchons. Sisi wenye kuhubiri. Tuko na hakikisho. Que Dieu n'est pas limité. Ya kwamba Mungu ana na mipaka. Ninyi wenye kusikia. Ninyi wenye kuamini. Muwe na hakikisho. Que Dieu n'est pas limité. Ya kwamba Mungu ana na mipaka. Ne l'enfermez pas dans votre situation. Mchimfungie mu mambo yenu. Pour voir la situation, tu l'enfermes, tu dis c'est fini. Maneno yako unamfungia na kusema inamalizika. Hapana, uwe na tumaini. Ce n'est pas fini. Aiya malizika. Yena. Mungu yuko hapo. Angariki na tenda. Alleluia. Amen. 1 Samuel 17. Samuel wa kwanza sura 17. 1 Samuel 17. Samuel wa kwanza sura 17. À la maison vous pouvez lire à partir du verset 12. Kumulangu mnaweza kusoma kuanzia mstari 12. Écoutez verset 25. Mstari 25. Chacun disait. Kila mmoja alikuwa anasema. Avez-vous vu s'avancer cet homme? Eti muriona ule mtu yuko na karibia? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Ni jua kupinganisha Israël njo pale ankaribia. Si quelqu'un le tue, kama mtu akimuua, le roi le comblera de richesses. Mufalme atamjaza na mali. Il donnera sa fille. Atampatia binti wake. Il franchira la maison de son père en Israël. Na atakomboa nyumba ya baba yake mu Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui. Daudi akambia wale watu walikuwa pembeni naye. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Batamfania nini huyu mtu atamuua ule mkuu? Eki otalo problème de si Israël. Na ula tatosha haya yule ya Israeli. Qui est donc ce Philistin? Huyu mfilisia ni nani? C'est un circoncis. Huyu mtu asife kutairiwa. Pour insulter l'armée du Dieu vivant. Tu apate kutukana jeshi ya Mungu aliye hai. Il est qui d'abord? Yeye mwenyewe kwanza ni nani? Pour insulter l'armée de Dieu vivant. Juu ya kutukana jeshi ya Mungu aliye hai. L'armée de Dieu. Aina jeshi yote yote lakini ni jeshi ya Mungu aliye hai. Le peuple. Watu répéta les mêmes choses lui dit. Wakamwambia maneno moja moja na kusema. Si que l'on fera à celui qui le tuera. Ni mwini namna watamfania ule mtu atakuwa ule mtu. Eliab son frère aimé. Eliab nduku yake mkubwa. Qu'il avait entendu parler. Ule alimsikia konasema. Na wale watu fi enflammé de colère contre David. Akashikwa na kasirani kumsirikia Daudi. Il dit, akamwambia, pourquoi es-tu descendu? Juu ya nini ulikuja? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Na ile kondoo kidogo uliachia nani mjangwa? Je connais ton orgueil. Mimi najua kiburi yako. Et la malice de ton cœur. Na bujanja wa moyo wako. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Ni juu ya kuona vita njo pale ulikuja. Frère, Nduku. David lui était convaincu. Daudi yeye alikuwa na hakikisho. David était concerné. Daudi mambo limuelekea. Quand il a regardé Israël. Wakati alangalia Israeli. Bana itukana na kuichambula kuitusi. Tous les enfants d'Israël. Batoto wa Israeli bote. Le roi Saül. Mfalme Saul. Saul fils de Kish. Saul mtoto wa Kish. Lui quand il regardait. Wakati yeye aliangalia. Il voyait la grandeur de Goliath. Alikuwa anaona bunene ya Goliath. Les muscles. Aliona mishipa. Aliona miaka mingi mzika. David gai 11. Daudi yeye wakati alifika. Na vision de Dieu. Na kuona kwa Mungu. Avec la conviction. Na hakikisho. Avec l'expérience avec Dieu. Na onjo ile alifanya na Mungu. Daudi wakati aliangalia. Aliona mtu asipo kutairiwa. Il a vu un homme vaincu. Aliona mtu mwenye kushindiwa. Il a vu un homme mort. Aliona mtu mwenye kufa. il connaissait là où il s'était. Alijua fasi kani alisimamia. Même si on pouvait l'appeler orgueilleux. Hata kama walimuita mtu wa kiburi. Ma sœur, si tu te tiens à la parole. Ukisimamia mneno la Mungu. Tu mets la confiance en Dieu. Unatumainia Mungu. Ceux qui n'ont pas cette confiance s'appellent orgueilleux. Basipo kwa na ile tumaini batakuja tuma wa kiburi wao usifadhaike. Usonge mbele pamoja na Mungu. David répondit. Daudi akajibu. Qu'ai-je donc fait? Mimi nafanya nini? Ne puis-je pas parler ainsi? Et siwezi na mimi kusema? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Akageuka kuangalia mtu mwingine. Et les mêmes questions. Akauliza ulizo moja moja. Le peuple lui répondit comme la première fois. Watu wakamjibu paka vile wale mjibu mara ya kwanza. Lorsqu'on y entendit les paroles prononcées par David. Wakati walisikia maneno ile Daudi alisema. On le répéta devant Saül. Bakamwambia yo Saul. Qui le fit chercher. Ula kamutafuta. David dit à Saül. Daudi akamwambia Saul. Écoutez. Sikileza. David dit à Saül. Daudi akamwambia Saul. Et vous allez l'enlever non me convaincu. Musikie musemewa mtu mwenye kwa na hakikisho mwenye kwa na mambo yake. Mtu mwenye kwa na matumaini tele ya Mungu. Qui a vu Dieu le délivrer. Mtu ule aliona Mungu kumkomboa. David dit à Saül. Daudi akamwambia Saul. Que personne ne se décourage. Usikwe mtu atamwa kulekea. À cause de ces Philistins. Kwa ajili ya huyu Mfilistia. Ton serviteur ira. Mtumishi wako ataenda. Se battre avec lui. Atenda kukombana na huyu Mfilistia. Saul dit à David. Saul akamwambia Daudi. Tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins. Awezi kama kwenda kukombana na huyu Mfilistia. Kwani? Tu es un enfant. Ungariki mdogo. Et il est un homme de guerre. De sa jeunesse. Yeye ni mtu wa vita tangia buyana bwake. Est-ce que l'église est là? Eti kanisa nafuata? Mena écoutez la réponse. Sasa sigilizeni jibu. Avant de vous lire la réponse. Bele ya kumisomea jibu. Je vous fais voir quelque chose. Tamionesha kwanza kitu kimoja. Nous sommes convaincus par quoi? Sisi tu kuna hakikisho kwa nini? Kupitia nini? Nous sommes pas convaincus seulement. Atuna tuna hakikisho bure tu. Nous sommes convaincus par quoi? Tu kuna hakikisho kupitia nini? De Timothée. Wa Timothée wa pili. Qu'est-ce qui nous donne cette force? Ni nini ile anatupatia cette confiance? Hii hakikisho. De Timothée chapitre 3. Timothée wa pili sura ya 3. Verset 16. Mstari wa 19. Tout écrit. Andiko yote. Est inspiré de Dieu. Inasukumwa na Mungu. Et est-il pour enseigner? Ni ya mafaa juu ya kufundisha. Pour convaincre. Juu ya kuhakikisha. Vous écoutez? Mnasikia? Voilà de quoi nous sommes convaincus. Jo kinye ki natupatia kikisho. Tout écrit. Yandiko yote. Le ciel et la terre passeront. Bingu na dunia zitapita. Mais la parole de Dieu. Lakini neno la Mungu. Elle ne passera jamais sans accomplissement. Yayo hayezi kupita bila kuwa na matokeo. Nous sommes convaincus des écrits. Tuko na hakikisho ya maandiko. Quand nous lisons les écrits. Wakati tunasoma maandiko. Nous lisons Dieu. Tuko na musoma ni Mungu. Retournons un peu. Verset 34. Samuel 17. Samuel David dit à Saül. Saul. Écoutez là où je me tiens. Musikie pale mimi nasimamia. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Mtumishi wako alikuwa analisha kondoo ya baba yake. Et quand il y a un ours venait à enlever une du troupeau. Wakati simba wala dugu alikuwa kutosha kondoo moya mkundi. Je courais après lui. Na alikuwa namfukuzia. Je l'ai frappé. Nalikuwa namupiga. Et j'ai arraché la brebis de sa gueule. Nalikuwa namondosha kondoo mukinywa yake. S'il se dresse contre moi. Kama akisimama mbele yangu. Je le saisissais par la gorge. Nalikuwa namushika mushingo. Je l'ai frappé. Nalikuwa namupiga. Et je l'ai tué. Nalikuwa namuua. Est-ce que vous comprenez ces verbes? Et si munaelewa ema misemo. Combien de verbes conjugués? Ma misemo ngapi wanasema? Il s'agit de courir. Ni mambo ya kukimbia. Je courais après lui. Na alikuwa namkimbilia. Il s'agit de frapper. Mambo ya kupiga. Je courais contre le lion. Na alikuwa namfukuza ule simba wala zuri. Je courais après lui. Na alikuwa namfukuza. Je l'ai frappé. Na alikuwa namupiga. J'arrachais la brebis de sa gueule. Na alikuwa namjarachais. Na alikuwa namunyanganya. Je récupérais. C'est qui met des droits. Munyanganya alali yangu. rusa yangu jiani. David connaissait que Daudi il est gardien des brebis. Yeye ni mchunga kondo. Le brebis lui appartient. Kondo ni yake yeye. Il courait. Alikuwa anakimbia na kupiga na kunyang'anya kondo. Ma sœur, la guérison t'appartient. Utunzo ni yako. Lorsque la maladie te lâche. Wakati magonjwa na kunyang'anya yeye. Ufukuzie magonjwa. Ufike madomona na unyang'anye utunzo. La joie t'appartient. Lorsque les détresses t'arrachent la joie. Huzuni na kuondosha furaha uikimilie. Ushike na unyang'anye furaha. Le Saint-Esprit t'appartient. Lorsque les choses du monde t'empêchent d'expérimenter les baptêmes du Saint-Esprit, courez après elle. Frappez. Upike na unyang'anye Roho Mtakatifu. Convaincu. Mwenye kuwa na hakikisho na kisha maneno ni yake. Kaone convaincu. Wakati kuna hakikisho huko katika hakikisho. Il faut avoir confiance en notre Dieu. Na matumaini ya kumtumainia Mungu. Ana na mipaka Mungu. Amen. Amina. Amen. Amina. Et même si le diable osait se dresser contre moi, hata kama shetani akipima kusimama mbele yangu, je le tiens par la gorge, tamushika mushingo, puisque la tête est déjà brisée, kwani kichwa manisha ponda, Yesu alishika, il a écrasé la tête, amesha ponda kichwa, je tiens la gorge, mimi nitashika shingo yake, forme. Tamwambia wewe unesha shindiwa hauna tena na nguvu. Jesus a payé le prix. Yesu anesha lipa bei. Hawezi tena kunishikilisha boka. Demona tamoe hawezi kunishikilisha boka. Shetani hawezi kunishikilisha boka. Yesu alishuka. Na makaburi ila arache la delivra. Alinyang'anya ukombozi. Ila arache la victoire. Alinyang'anya ushindi alitupatia hiyo. Meme Satan ne peut pas nous enlever. Hata shetani hawezi kututa temesha. Si n'a pas si de tenir Jésus kama shikumushike Yesu mule là où il demeure muleko. Quand Jésus est parti l'attaquer, wakati Yesu alienda mkumbanisha, qu'est-ce qu'il va me faire moi? Satan nifanya mimi nini? Satan n'a pas retenu. Shetani ashikumushike. Il a vaincu. Alimushinda. Il a les clés de l'amour. Eko na funguro ya lufu. Et de ce jour na ya makao ya bafu. Jésus a les clés de l'amour. Yesu eko na mafunguo ya lufu. Peut-être que tu ne comprends pas, hein. Zazingira uelewe. Apocalypse 1:17. Ufunuo ya kwanza 17. Église. Kanisa. Apocalypse 1. Ufunuo sura ya kwanza. Écoutez. Msikilize. Comment il dit. Namna kani yako nasema. Quand je l'ai vu. Wakati nalimuona. J'ai tombé à ses pieds comme mort. Na alianguka kwa miguu yake sawa mwenye kufa. Il posa sur moi sa main droite en disant. Akaweka yulu yangu mkono ya kuume ya kusema. Ne crains point. Usiogope kitu. Est-ce que vous comprenez? Eti munaelewa? C'est toujours le même mon ne crains point. Ni paka msemo moja moja usiogope kitu. Ne crains point. Dada yangu usiogope kitu. Ne crains point. Duku usiogope kitu. Convaincu que tu n'es pas dans ton entreprise. Uwe na hakikisha kwamba una mkazi yake. Usiogope za affaires ya Ngoindai. Hauna mkazi, hatuna mkazi ya Ngoindai. Usiogope za affaires ya William Branham. Hatuna mkazi ya William Branham. Usiogope za affaires ya Wall of France. Sisi hatuna mkazi ya Wall of France. Dans la volonté parfaite de Dieu. Tuko katika mapenzi kamilifu. Convaincu. Le Dieu qui a commencé, il va nous couronner de gloire. Il va achever. Atamaliza. Même si vous êtes devant les montagnes infranchissables. Hata kama uko mbele ya mlima ile uweze kutambuka, umwangalie Mungu. Tu ira bien. Yote itakuwa sawa sawa. Itakuwa sawa. Nous le savons bien. Alléluia. Ni sisi wenye kwa mzuri. Ne crains point. Usiogope kitu. Je suis le premier. Niko wa kwanza. Et le dernier. Na wa mwisho. Et le vivant. Na muzima. Le premier. Wa kwanza. Le dernier. Wa mwisho. Et le vivant. Na muzima. Je te mort. Na alikuwa mwenye kufa. Et voici. Na tazama. Je suis vivant. Niko muzima. Au siècle des siècles. Milele na milele. Je tiens les clés de la mort. Niko na mafungulo ya lufu. Et du séjour de na ya makao ya lufu ya bafu. Les clés de la mort se trouvent entre les bonnes mains. Fungule ya lufu iko mikono ya mtu mzuri. Entre les mains de celui qui nous a aimés. Mu mikono ya ule alitupenda. Il nous a aimé d'un amour d'un fiancé à sa fiancée. Alitupenda mapendo ya mchumba wake. Les clés de ce jour de mort se trouvent entre les bonnes mains. Mifungulo ya entre les mains de celui qui nous a aimés. Mfungule ya makao ya bafu iko mikono ya ule alitupenda bila natupenda. Il ne peut pas ouvrir le séjour de mort et nous jeter dedans. Awezi kama kufungula makao ya bafu na kututupa mule kamwe. Non, il va jeter les autres nous. Atatupa mwengine hapana sisi. Pukrenye kwa? Mnaogopa nini? Putramle devant quoi? Unatetemeka mbele ya nini? Soyez convaincu. Muwe na hakikisho. Soyez convaincu. Muwe na hakikisho. Verset 36. Makumi tatu na sita. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Ne muina mna mtumishi wako aliua dugu na simba. Et il a serré de même du Philistin. Itakuwa hivyo hivyo na huyu Philistia. De cet incirconcis. Ya huyu mtu asipokutahiriwa. Comme l'un des cars, il a insulté l'armée du Dieu vivant. Sawa mmoja wao kwani alitukana jeshi ya Mungu aliye hai. L'échec de Goliath. Kushindwa kwa Goliath. Il a osé insulter l'armée du Dieu vivant. Alipima kutukana Mungu aliye. Il a mis en cause la puissance de Dieu. Alishakia uwezo wa Mungu. Ton Goliath c'est quoi ce soir? Goliath wako ni nani mangaribi ya leo? Ton Goliath c'est quoi ce soir? Goliath wako ni nini mangaribi ya leo? Qui te fait montrer que la parole de Dieu est impuissante? Ula nakonesha sema neno la Mungu haina uwezo. Qu'est-ce qui te trouble? Ni nini nakufurusha? Qu'est-ce qui te dérange? Ni nini nakuzuru? Ton Goliath c'est quoi? Goliath wako ni nani? Amka. Attaque. Ukombanishe. David dit encore. Daudi akasema tena. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion. Wa milele wala nikomboa toka mankucha ya simba. Et de la patte de l'ours. Na umikulu ya dugu. Me délivrera aussi. Atanikomboa tena. De la main de ce Philistin. Toka mikono ya huyu Mfilisia. Et Saul dit à David. Na Saul akamwambia Daudi. Wende basi. Et que l'Éternel soit avec toi. Na wa milele uwe na weye. Va. Wende. Et que l'Éternel soit avec toi. Na wa milele awe nawe. C'est déterminé. Namalizika. Verset 42. Makumi ine na mbili. Les Philistins regardant. Mufilistia akangalia. Et lorsqu'il aperçut David. Wakati alimuona Daudi. Il le méprisa. Akamubeula. Ne voyant en lui qu'un enfant. Aliona tu ndani yake ni mtoto tu kidogo. Et d'une belle figure. Murembo na wauso mzuri. Les Philistins a méprisé David, il voyait en lui. Mufilistia alibeula Daudi, aliona ndani ya Daudi. Un enfant. Mtoto kidogo. Alors que à lui, japo ndani yake, il y avait un Dieu victorieux. Mulikuwa Mungu mshindaji. À lui, il y avait un Dieu puissant. Ndani ya Daudi, mulikuwa Mungu wa uwezo. Mungu mzima. Les Philistins. Umu Philistia. David. Akamwambia Daudi. Suis-je un chien? Eti mimi ni mbwa. Pour que tu viennes à moi avec des bateaux. Juu kuje kwangu na mamiti. Après l'avoir maudit par ses dieux. Kisha kumulani kupitia miungu zake. Il ajouta. Akaongeza. Viens vers moi. Kuja mbele yangu. Et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Na tapeleka mwili yako kuba bandeke baanga na banyama bapori. David dit au Philistin. Daudi akamwambia Mufilistia. Tu marches contre moi avec l'épée. Unakuja mbele yangu na mpanga. La lance na mkuki et le javelot na javelo et moi alakini mimi je marche contre toi na kuja mbele yako au nom de l'Éternel des armées mujina wa milele wa majesi Dieu de l'armée d'Israël wa Mungu wa jeshi ya Israeli que tu as insulté ile wewe ulitukana. Est-ce que vous êtes là? Eti mnafuata? Les autres peuvent se lever avec des lances. Wengine wanaweza kulamka na mikuki. Ma soeur, dada yangu, mon frère, ndugu yangu, laisse le médecin à leur place. Wache banganga pa fazi yabo. Laisse-les faire leurs travaux. Wache bafanye kazi yabo. Ils se lèvent avec des bistouri. Banamuka na mambo. Ils se lèvent avec des chirurgies. Banamuka na mambo kupasula. C'est bon, tout ça c'est bon. Bile vyote ni vizuri. Alakini wei. Leve-toi. Amuka. Oh no. Mujina. De l'Éternel. Ya wa milele. Wa majeshi. Israel. Que les autres ont insulté. Alléluia. Bari tukana. Les autres se lèvent. Bengine wako na amuka. avec des renoms. Nama kafumu. Il se lève. Banamuka. Avec l'injustice. Nauzalimu. Toi. Lève-toi. Je vous informe. Namijulisha. Personne n'a jamais vaincu Dieu. Hakuna mtu lanesha mushindaka Mungu. Et personne ne le vaincra. Na hakuna mtu latamshinda Mungu. Personne n'a jamais vaincu ce qui était en Dieu. Hakuna mtu anesha ushindaka bali balikuwa ndani ya Mungu. Et personne ne le vaincra. Na hakuna mtu atabashindaka. Personne n'a jamais vaincu ce qui se confie en Dieu. Hakuna mtu anesha shindaka bali wanamtumainia Mungu. Hakuna mtu atabashindaka kamwe. Amen. Amen. Aujourd'hui, leo hii, l'Éternel te livrera entre mes mains. Wa milele atakutoa mikono yangu. Je t'abattrai. Takuua. Il parle avec assurance. Et on a ce manac qui il est convaincu. Et on a qui il parle avant l'événement. Et on a ce mambele à il maneno kufika. Puisqu'il est convaincu. Wani, il connaît là où il se tient. Anajua penye anasimamia. Il parle avec certitude. On a ce manac qui les autres pouvaient penser que c'est la folie. Mengine baruazia ce mani bazimu. Ilikuwa ni hakikisho. C'était la certitude. Ilikuwa ni hakikisho. C'était la conviction. Hakikisho ya nguvu. Aujourd'hui, Léo I, l'Éternel te livrera entre mes mains. Wa milela takutoa mikono yangu. Je t'abattrai. Mimi nitakuua. Je te couperai la tête. Takukata kichwa. Aujourd'hui, Léo I, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel. Nitatoa bitumba ya kambi ya Filistia kwa ndege ya anga. Na kubanyama wa pori. Toute la terre. Na dunia mzima. Sora. Itajua. Israel. Ya kwamba Israeli. Aendie. Eko na Mungu. Et toute la terre. Dunia mzima. Sora. Itajua. Israel. Ya kwamba Israeli eko na Mungu. Etu kambo. Na kambove mzima. Sora. Itajua. Ke kambove tabernakle. Ya kwamba kambove tabernakle. Iko na Mungu. Est-ce que tu peux dire ça? Etu unawezi kusema vile. Regardez à tes problèmes. Angalia kumambo zako. Regardez à tes maladies. Angalia kumambo zako. Regardez à tes circonstances. Angalia kumama mahitaji yako. Aujourd'hui, vema, leo, l'Éternel wa milele te livrera. Atakutoa umikono yangu. Je t'abattrai. Takuua. Je couperai la tête. Takukata kichwa. C'est-à-dire je vais ôter ta puissance. Manake nitatosha uwezo yako, nguvu yako nitaitosha. Taiondosha. Alléluia. Amen. Israël a un Dieu. Israël est na Mungu. Et toute cette multitude. Na hii kundi yote ya watu. Saura que. Itajua ya kwamba. Ce n'est ni par l'épée. Aina kwa mpanga. Ni par la lance. Wala kwa mkuki. Que l'Éternel sauve. Njo. Wa milele kuna okoa. Car. Kwani. La victoire. Ushindi. Appartient à l'Éternel. Ushindi ni ya wa milele. Ce n'est pas par la lance. Aina kwa mkuki. Ni par l'épée. Wala kwa mpanga. Mais par sa parole puissante. Lakini ni kupitia neno lake la uwezo, kupitia roho yake. Il délivre, il agit. Eko na kwa Bwana kutenda. Amina. La victoire. Ushindi. Appartient. Iko. À l'Éternel. Na wa milele. Proclamez cette victoire. Utangaze ile ushindi. Proclamez cette victoire. Tangaza ile ushindi. Contre tout esprit. Mbele ya maro zote. Contre tout problème. Mbele ya mambo zote. Mbele ya maneno yote. Victoire. Mungu ni mshindi. Oh, je me sens bien. Najisikia mzuri. C'est merveilleux ça. Ni adamani. Est-ce que l'église sait saisir ça? Eti kanisa inawezi kuishika? Amen. Amina. Aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement. Pale pale tu mu Philistia kanza kutenka kutembea. Pour marcher au devant de David. Dieu kwenda mbele ya Daudi. David courut sur les champs. Daudi akakimbia mbio. Muile fazi ya vita. Sur le champ de bataille. Ay muile kiwanza ya vita. Contre du Philistin. Mukutanishana na mu Philistia. Il mit la main dans sa gibecière. Akaweka mkono mumfuko yake. mettez ta main dans la jupe. Weka mkono mumufuko yako. Il prit une pierre. Akachukua mjiwe moja. Et la lança avec sa fronde. Akaitupa na ile mzereti. Il frappa le Philistin. Akampika ule mufilistia muso. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin. Na ile jiwe kaingia muso ya mufilistia. Qui tomba le visage contre terre. Ula lianguka uso yake chini. Ainsi, hivi basi, avec une fronde, na ile fronde, et une pierre, na jiwe, David fut plus fort que le Philistin. Daudi alikuwa wa nguvu kumshindia Mfilisti. Akampika. Et lui ôta la vie. Akamuua. Sans avoir de paix à la main. Bila kuwa na mpanga kumkono. Alléluia. Amen. Avec une fronde. Na ile mpira ndege. Et une pierre. Na jiwe. David fut fort. Daudi akakuwa wa nguvu. David fut fort. Daudi akakuwa wa nguvu. Que le Philistin. Kumshindia Mfilisti. Vous avez cette pierre. Muko na ile jiwe ya Daudi. Vous l'avez. Muko nayo. Vous l'avez cette fronde de David. Muko na ile mpira c'est ya Daudi. Ni imani ndani ya Yesu Kristo. Vous avez cette pierre. Muko na ile jiwe. C'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. Comme il est écrit dans Actes 4:11. Zile wanaandika matendo ya mitume 4:12. Yesu. Et la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Ni jiwe ile litupwa na wale walikuwa wanajenga. Sasa inakuwa la principale de la jiwe ya mkona. Inia de salia no keno. Hamuna wokozi mujina lingine. Car kwani inia sous le ciel. Hakuna chini ya jua. Hakuna jina lingine. Qui est donné parmi les hommes. Ile lipewa katikati ya watu kupitia yayo. Tunawezi kuokolewa. Inia pa en autre nom. Hakuna jina lingine. Inianapa. Ainako. Enianura jamais. Haitakuwaka hako kamwe. Frère inianapa. Nduku ainako. David a remporté la vie. Daudi alipata ushindi. Il était convaincu. Alikuwa na hakikisho. Il était concerné. Na ile mambo ilikuwa yake. Convaincu. Mwenye kuwa na hakikisho. Acte des apôtres. Matendo ya wa mitume. Chapitre 12. Sura yake 12. Convaincu. Mwenye kuwa na hakikisho. Dans l'abandon. Mukuacha, mukuachiliwa, mukukosa tumaini, convaincu. Mwenye kwa na hakikisho que Dieu est capable. Ya kwamba Mungu yuko na uwezo. Acte des apôtres. Matendo ya wa mitume. Chapitre 12. Sura yake 12. On lit à partir du verset 5 pour gagner du temps. Tunasoma kuanzia mstari ya 5 jao. Pierre. Wakati. Jiwe basi. Pierre. Petro basi. Était gardé dans la prison. Walimchunga mgereza mkifunga. Elenize. Na kanisa. Nécessaire d'adresser pour lui des prières à Dieu. Aikwache kamwe kumuombea kwa Mungu. C'est ça notre front. Hii ndio front yetu. Les prières. Maombi. La prière change de situation. Maombi kunabadilisha mambo na nyakati. La prière amène Dieu à la scène. Maombi kunamuita Mungu mkibeta. Pierre dans l'abandon. Petro mwenye kuachiliwa asikuwa na tumaini mugereza. Mais l'église prie. Alakini kanisa ilikuwa namuombea. La nuit. Usiku. Qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître. Ile litanguria siku ile Hérode alipashi kumusambisha. Pierre. Petro. Lié de chaînes. Mwenye kufungwa na minyororo. Lié de chaînes. Mwenye kufungwa na minyororo mbili. Dorme. Alikuwa na lala. Entre deux soldats. Katikati ya waskari mbili. Et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Na wanzamu walikuwa pa mulango na kuchunga gereza. Qui peut imaginer cette situation? Nani anawezi kufikiria maneno haya? Les chaînes l'avaient ligoté. Minyororo walikuwa wanamfunga mbili. Les pieds et les mains. Miguu na mikono. Dans les chaînes. Muminyororo. Et puis là-bas. Na kisha tena. Il y avait deux soldats. Kuko waskari mbili. Qui ne quittait pas là-bas. Bala va kutoke pale. Les gardes. Barikuwa na mchunga. Et la prison aussi. Na gereza tena. Entourée. Barikuwa nesho ifunga na kuizunguka na wachungaji. Inenema par là Pierre n'avait plus d'espoir. Mbu mtu Petro asikuwe na tumaini. Personne ne pouvait le faire sortir de là. Akukuwe mtu wakwezi kumutosha pa ile pale. Parce que la prison était bien gardée. Kwani gereza bari chunga mzuri. Nena écoutez. Sasa sikilizeni. Celui en qui nous confions. Mwenye ule tunatumainia. Écoutez ce Dieu. Sikilizeni huyu Mungu. Et voici. Natazama. Un l'ange du Seigneur. Malaika wa Bwana. Sylvain. Akakuja. Et une lumière brilla dans la prison. Na nuru moya iliangaza mule mgereza. L'ange réveilla Pierre. Malaika akamusha Petro. En le frappant au côté et en disant. Na kumupika pembeni na kumwambia. Lève-toi promptement. Amuka kwa ghafla. Les chaînes tombèrent de ses mains. Na minyoyoro ikanguka toka mikono yake. Nani anaweza kufikiria leo? Tazameni Mungu mwenyewe tunatumainia. Ashia koseyanaka. Même si les problèmes sont là. Hata kama mambo yote pale. Mungu yuko na mtu kila mara. Na jina lake kuyulu ya mambo zote. L'ange lui dit. Malaika akamwambia, "Meta senti. Weka mkaba yako. Et tes sandales. Na uvali biatu yako. Puisqu'en prison on enlève les souliers. Kwani mungereza peko na kutondesha biatu mali. Vala bien. Allez, porte très bien les souliers. Vala bien. Allez, porte les sandales. Et il fit ainsi. Na yakavuala vile. Lui ne faisait qu'exécuter l'ordre. Alikuwa anatimiza tu agizo. L'ange lui dit encore. Malaika akamwambia tena. Enveloppe-toi de ton manteau. Allez, uvale na koti yako. Et suis-moi. Kisha unifate. En prison, hein? Mugereza. Enveloppe-toi de ton manteau. Allez, ouvre les portes, yako. Suis-moi. Kisha unifate. Pierre s'est levé. Petro il a commencé à le suivre. Akanza kumufata. Alléluia. Amen. Oh, n'abandonne jamais ce Dieu. Oh, musimwache kama huyu Mungu. Pierre sorti. Petro akatoka. Et le suivi. Na kumufata. Ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Bila kujua kwamba ile malaika alikuwa anafanya ilikuwa ya kweli. Pierre lui-même pensait qu'il était en vision. Petro mwenyewe aliwazia sema ilikuwa ni ndoto wala ono. Et s'imaginait avoir une vision. Aliwazia sema alikuwa anaona ndoto. Lorsqu'ils virent passer la première garde. Wakati walitambuka ile garde ya kwanza. La première garde. Mlango ya kwanza. Et puis. Na kisha. Lorsque la première garde. Mlango ya kwanza. Et puis la seconde. Kisha wakapita ya pili. Ils arrivèrent à la porte de fer. Bakafika sasa pa mlango ya chuma. Imaginez même la porte de fer. Mfikili kwanza mlango ya chuma. Nani ule anaweza kumtosha Petro mule kama ana mungu. Ils arrivèrent à la porte de fer. Bakafika pa mlango ya chuma. Qui mène à la ville. Ile ya kupeleka mumuji. Qui s'ouvrit. Nayo ile mlango ikafunguka. D'elle-même. Ya yoyo yenyewe. Devant eux. Mbele yabo. Il sortit. Bakatoka. Et s'avancèrent dans une rue. Na bakasonga mu barabara. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Pale pale malaika sasa kamwacha Petro. Ne pensez pas que Dieu fait des grandes choses aux prophètes seulement. Musiwazia sa Mungu anafanyaka. Vitu vikubwa paka na manabii. Ewe na prophète. Petro. Mais un croyant. Petro asikuwa nabii lakini alikuwa mwaminifu. Revenu à lui-même. Kisha yeye kushituka. Pierre dit. Petro akasema. Je vois maintenant d'une manière certaine. Sasa hapa mimi naona mnamo na yahakika. Ya kwamba Bwana. Envoyé son ange. Alituma malaika wake. Il m'a délivré de la main d'Hérode. Na alinikomboa toka mkono wa Herode. C'est que le peuple juif attendait. Na mikono ya Bayuda bote ile walikuwa nachunga. Ce Dieu-là est-il mort? Ule Mungu eti aisha kufa? A-t-il vieilli? Eti anazeka? A-t-il voyagé? Eti anasafiri? Il est le même. Eko sawa sawa. Croyez-vous qu'il est le même? Unaamini ya kwamba eko sawa sawa? Il est le même. Eko sawa sawa. Et il se manifeste de la même manière. Na anajonekanisha mnamo moja moja. De la même manière. Namo na moja moja tu. On peut lire rapidement dans Acte 16 aussi. Tunaweza kusoma kwa haraka Matendo ya Mitume 16. Acte chapitre 16. Matendo ya Mitume sura 16. Verset 25. Mustari wa 15. Vous pouvez lire le chapitre à raison, mais pour gagner du temps, lisons le verset 25. Unaweza kusoma sura mzima kwa mlango. Tusome tu 25. Vers le milieu de la nuit. Katikati ya usiku. Paul et Silas. Paulo na Sila. Priez. Walikuwa naomba. Et chantez les louanges de Dieu. Na kuimba nyimbo ya sifa ya Mungu. Et les prisonniers les endormaient. Na wafungwa wengine walikuwa nawasikia. Tout à coup. kwa ghafla il se fit un grand tremblement de terre. Kukakuwa mtetemeko mkubwa wa bulongo. Asante que le fondement de la prison fut ébranlé. Munamna kusema misingi ya gereza ilipasuka. Pale pale toutes les portes s'ouvrirent. Milango zote zikafunguka. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Na makamba ya bafungwa bote ilikakatika. Les geôliers se réveillèrent. Ule mchunga gereza akaamka. Lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes. Wakati aliona milango ya gereza inafunguka. Il tira son épée à la tête. Akatosha mpanga yake kutafuta kujiua. Pensa que les prisonniers s'étaient enfuis. Alizania sema bafungwa balikimbia. Mais Paul cria d'une voix forte. Lakini Paulo akalalamika nguvu. Usijue. Nous sommes tous ici. Jibote tuko hapa. Alors le geôlier a demandé de la lumière. Mchunga gereza kaomba taa. Précipitamment. Akaingia kwa ghafla. Et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Akajitupa na boka kumikulu ya Paulo na Sila. Il les fit sortir et dit. Akawatosha nje na kusema. Seigneur. Bwana. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Tafanya nini nipate kuokolewa? Alielewa sema huyu ni Mungu alikuwa katika tendo. Paulo na Sila wakamjibu. Oh Seigneur Jésus. Umwamini Bwana Yesu. Et tu seras sauvé. Utaokolewa. Weye na jamaa yako yote. Amen. Amina. Amen. Amina. Le jubilé d'Azusa. Maubiri jubilé ya Azusa. Jubilé d'Azusa. Jubilé ya Azusa. Page Kartasi 9 ou 7. Saba. Paragraphe 12. Nukta ya 12. Paragraphe 12. Nukta yake ya 12. Tout au long des âges. Kadiri ya vizazi. Au cours des 50 dernières années. Kadiri ya miaka 50 ya mwisho. Bien des choses sont arrivées dans les églises. Bitu mingi bilifika mkanisa. Beaucoup de gens sont tombés. Batu mingi balianguka. Nous sommes désolés de le dire. Tunafadhaika kuisema. Mais. Alakini. Aujourd'hui, Léo I, dans ce grand et magnifique temple, Mouekalu mzuri sana, bon tel qu'il est, mzuri sana vile nous iko. Remercions Dieu pour cela. Tunamshukuru Mungu juu ya ile. Mais, alakini, je suis certain, niko na hakikisho, qu'aujourd'hui, ya kwamba leo, chaque croyant ensemble avec les frères, kila mwaminifu pamoja na wandugu, ainsi que tous les restes d'entre vous, pamoja na mabaki katikati yenu, nous aimerions nous débarrasser de tout ce que nous avons, tunapenda tuachane na vile vyote tuko navyo, pour déposer cela sur l'autel de Dieu, tuvipeleke kwa madhabahu ya Mungu, en vue d'une vision du Saint-Esprit à l'ancienne mode, kwa ajili ya kushuka kwa Roho Mtakatifu mnamna kumwanzo. Une fois de plus. Mara tena. Comme c'était au commencement. Vile ilikuwaka kule kumwanzo. C'est de cela que nous avons besoin aujourd'hui. Jo ile tunahitaji leo. Oui mon ami chrétien. Dio ndugu zangu mkristo. Benda de jubilé. Wakati kundi ya jubilé. Nous avons encore besoin benda de jubilé. Tunahitaji wakati ya jubilé. De rentrer libre. Ya kurudia uhuru. Delivre. Kurudia wenye kombolewa. Kurudia wenye kokolewa. Kurudia na furaha. Kurudia na utunzo. Kurudia na salama. Kurudia na heri la. Être possédé de Dieu. Mpata Mungu na kushikwa na Mungu. Maintenant. Sasa. Pour y prendre notre sujet. Tunaweza kuchukua shinda nyingine ya mahubiri. Mais moi-même. Mi mwenyewe. Je pense que. Nawazia kwamba. Comme l'un de vous qui est rassemblé. Sawa mmoja wenu mwenye kusanyika. La raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Sababu yenyewe ile tuko hapa leo. C'est la commémoration des réveils du Saint-Esprit. Ni kushangilia wamsho wa Roho Mtakatifu. À l'ancienne mode. Munamna ile ya zamani. Que nous avions autrefois. Ile tulikuwa kanayo zamani. Et dont j'ai entendu nos pères parler. Na yenyewe nalisikia kwa baba zetu kusema. Comment les anges. Namna kani wa malaika. Descendaient. Walikuwa nashuka. Et chantaient dans les réunions. Na kuimba mamkusaniko. Et la puissance de Dieu. Na uwezo wa Mungu. Prenez le contrôle. Ilikuwa naongoza vitu. Et les saints. Na watakatifu. Etene de nouveau. Balizaliwa mara ya pili. Et des choses glorieuses. Na vitu ya utukufu. Se produisaient. Ilikuwa naonekana. L'église est là. Kanisa nafuata. C'est de cela que nous avons besoin. Je bine tunahitaji. Que Dieu descende comme le jour d'autrefois. Mungu ashuke sawa ile wakati ya zamani. Êtes-vous convaincu qu'il va descendre? Et muna hakikishwa kwamba atashuka? Êtes-vous convaincu qu'il va continuer sa marche avec toi? Muna hakikishwa sema atendelesha safari yake na wewe? Lève-toi! Ushinde. Avec puissance. Na uwezo. Ne tremble plus. Usiogope tena. Usiogope kitu. Uwe na hakikisho. Tout est possible. Yote inawezekana. À celui qui croit. Kwa mwenye kuamini. Que cela est possible. Ya kwamba inawezekana kwake. Si tu crois que la chose est possible à toi. Kama unaamini kwamba vitu vinawezekana kwako, itawezekana. Vous avez la foi. Uko na imani. Vous êtes certain. Uko na hakikisho. Que tout ce que vous demandez. Ya kwamba yote utaomba. Dieu est votre père. Mungu ni baba yako. Il ne s'agit pas qu'un prédicateur prie pour nous. Aïe, mais moi, comme fille de Dieu, Mungu, je me lève. Namuka, je parle à mon père. Namwambia baba yangu. Moi, comme fils de Dieu, wa je Mungu, me lève. Namuka, je parle à mon namwambia père. Baba yangu. Il m'écoute. Atanisikia. Il m'exauce. Atanijibu. Et je peux rentrer dire. Tarudia na kusema. Depuis ce jour-là, tangia ile les siku, choses ont changé. Bitu binabadilika. Je suis fils de Dieu. Na kwa mwana wa Mungu. Il m'a exaucé. Mungu ananikubali. Mungu anatomboa. Mungu ananiponya. Mungu ananibariki. Mungu analipa madeni zangu. Même les dettes. Hata madeni. Dieu le paye. Mungu yuko nailipa. C'est puisque on a pris le temps, j'allais vous montrer. Ndio tuna na wakati ningemiambia. Une bouteille d'huile, Dieu peut payer des dettes de milliers de dollars. Kuanzia tu mkachupa kadoko ka mafuta. Mungu anaweza kulipa madeni na madeni. Msimweke mpaka. Chantons, tout est possible à celui qui croit. Yote inawezekana kwa mwenye kuamini. Et le volu dans la foi. Na tuamuke muimani. Réclamons ce que Dieu nous a promis. Tuombe ile Mungu alitulaka. Ça nous appartient. Ni yetu. Ne regarde pas aux circonstances. Usiangalie kwa mambo kuna kika. Ne regarde pas aux problèmes. Usiangalie kwa mambo. Ne regarde pas la maladie. Usiangalie kwa magonjwa. Regarde à Dieu. Angalia tu kwa Mungu. Il t'écoute. Atakusikia. Manaco, prions, tuombe.